à l'organiso. Sentais les bolides enragirés de trois bimbo. Ça se tait, ça fait les vagues de location. Mais il reste qu'un flambi et du pen dans ton frigo. Salut moi c'est Picasso Nisso. Y'a pas que le peintre qui met de bons coups de pinceau. Ne te trompe pas devant la porte de la gloire. Y'a ceux qui font la queue et ceux qui sucent des Habibi ou Habibi. On est souvent trop proche de l'ennemi. On t'a celui Willy Willy qui pourra souvent se valoriser ses principes. Reste comme elle-même avec Camille. Si t'as pas de principe t'as pas de ici hein. Pendant qu'on t'endure à l'usine. Veux nous empêcher de rire en nous en délire. Pour toutes les communautés qui vivent la vie d'Aloca. Allons danser toute la night et nargons l'Africa. Vida loca, vida hermida, a la bien expati. Vida loca miso, vida loca miso. Vida loca miso, vida loca miso. DJ Hamida miso. Vida loca miso. La vida loca. Allons danser toute la night et nargons l'Africa. Vida loca, DJ Hamida, à la bien mix party. Vida loca.